Le vent siffle entre les portes du saloon. Ride est-ce qu'il avance l'ombre d'un pion. Dans l'épicerie sauvage de l'Ouest, chaque rayon cache un duel, un test. La poussière danse sous la lumière, l'harmonica pleure, un monde sévère. Les étagères grincent chargées de faim. Chaque conserve raconte un chemin. Un vieux whisky, monnaie d'espoir. Dans ces allées, il faut y croire. Le désert pèse dans chaque pas. Près de ce qu'il sait qu'il n'oubliera pas. La caisse teinte comme un glas, un regard froid, personne ne parle. L'air sent le cuir et la sueur, le danger plane lourd de peur. Chaque client est un pistolero. Chaque instant devient un duel, un fardeau. Dust and whiskey, nights are long. Ride a skin right where we belong. Through the market, west and wild, the frontier calls, untamed defiled. Les boîtes de haricots tombent au sol. Le silence perce comme un drôle. Un rire rauque fend l'espace. Chaque ombre ici garde sa place. Dans ce marché, c'est un tribunal. Red Skill marche fatal. Les voix montent, poussière en feu. Dans le désert, il n'y a pas de lieu. Juste des routes et des adieux. Chaque rayon, un piège silencieux. Le gospel s'élève, lourd et vrai. Ride ce qu'il garde la loi muette. Cactus veille aux abords. Chaque client cherche un trésor. Dans ce marché, c'est la survie. Un monde brisé mais rempli de vie. Le shérif dort dans son coin. Riders qu'il veille, poings serrés au loin. La lune éclaire les étals froids. Chaque bouteille reflète la loi. La foi s'accroche au champ perdu dans l'ouest. Rien n'est jamais résolu. Les voix s'élèvent dans la nuit. Rider skill vit, rider skill free. Chaleur, le whisky saigne. Chaque regard, une arme qui règne. Les âmes se battent pour un rien. Dans ce marché, tout prend fin. Mais Red Skill reste debout. son ombre danse, fier et fou. Dust and whiskey, nights are long, riders kill rides where we belong. Through the market, west and wild, the frontier calls, untamed defied. Dust and whiskey, calls untamed defiance.